Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un scandale politique qui a fait trembler l'Autriche autant qu'il a indigné le monde, l'affaire Kurt Waldheim. Au printemps 86, les Autrichiens se préparent à élire leur nouveau président. Entre les candidats, la haine et les coups bas l'emportent très vite sur la bataille des mots et le combat des idées. Les rues de la capitale, Vienne, se transforment en théâtre de toutes les manigances. Les journalistes présents sur place témoignent d'une ambiance carrément nauséabonde. Car à moins de 2 semaines du scrutin, un journal autrichien révèle que l'un des candidats pour l'élection aurait eu un passé nazi, Kurt Waldheim. À 67 ans, il est accusé d'avoir caché son passé d'officier dans la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale. Pire, on découvre qu'il aurait participé à la déportation et à l'exécution de civils dans la région des Balkans. Si la controverse autour du passé de Kurt Waldheim dépasse vite les frontières de son pays, c'est que de surcroît, cet homme-là, après la guerre, est devenu secrétaire général des Nations Unies, et ce pendant 10 ans. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui témoigne également de toute la difficulté pour un pays comme l'Autriche d'aborder son passé, d'évoquer la question de l'antisémitisme et des responsabilités de certains de ses anciens dirigeants dans leur connivence avec les nazis. Notre invité aujourd'hui, Marc Lachny, professeur en études germaniques à l'université de Metz et membre du comité de rédaction de la revue Austriaca. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit de commentaires Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Rome accuse des choses qui ne sont pas vraies. Il s'agit des mensonges étonnants, des calomnies contre moi, la raison étant la campagne électorale. Alors, pour ces raisons... pour cette raison, et il n'y a aucune raison pour moi de me retirer. Pourquoi ? Et vous avouerez que votre passé ressemble un petit peu à un iceberg, Monsieur Waldheim. C'est l'opinion du Congrès juif à New York, mais pas mon opinion et pas l'opinion de beaucoup de gens. C'est un groupe très limité, ce n'est pas l'Amérique qui dit cela. Les accusations ne sont pas vraies, on le sait maintenant, n'est-ce pas? Alors, il n'y a aucune raison d'échanger d'avis. Samedi 3 mai 1986, Vienne, veille d'élection présidentielle. Dans le salon d'un hôtel chic de la capitale autrichienne, Kurt Waldheim reçoit les journalistes de la presse étrangère. Parmi eux, Robert Denis, le correspondant de France Inter en Autriche. À son micro, et vous venez de l'entendre, Kurt Waldheim s'exprime dans un français impeccable. Les mots de ce politique autrichien sont fermes, sans nuance. À l'image d'ailleurs du ton qu'il emploie, à la fois calme et pragmatique. À chacune des questions que lui pose, presque gêné Robert Denis, Waldheim est catégorique dans son démenti. Il rejette toutes les accusations et prétend être la victime d'un complot orchestré aux États-Unis. Candidat et grandissime favori pour cette élection, Kurt Waldheim est depuis plus d'une semaine au cœur d'une violente polémique provoquée par des révélations sur son passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Un chapitre trouble sur lequel il s'était jusqu'ici montré peu bavard, tentant de le dissimuler, parfois d'en déguiser le récit. C'est un hebdomadaire autrichien, le magazine Profil, qui publie les premières révélations. Selon les documents qu'ont pu consulter les journalistes, Waldheim aurait intégré, avant même le début de la guerre, un groupe d'équitation des SA, une organisation paramilitaire du Parti National Socialiste, à qui les partisans d'Hitler feront la peau d'ailleurs lors de la fameuse nuit des longs couteaux. Mais en attendant, elle terrorise les opposants politiques, les juifs et tous ceux qu'elle considère comme indésirables. D'autres pièces à conviction démontrent la présence de Waldheim dans de nombreux rassemblements avec des figures du nazisme. Puis, c'est le journal américain The New York Times qui l'accuse d'avoir appartenu, au début des années 40, à une unité militaire de la Wehrmacht, connue pour avoir commis des atrocités contre des partisans yougoslaves et pour avoir aussi participé à la déportation des juifs grecs. Aux accusations, aux soupçons et aux hypothèses relayées dans la presse succèdent les preuves matérielles. Les membres du Congrès juif mondial, association de défense des intérêts de la communauté juive, basée aux États-Unis, rendent ainsi publique une série de documents accablants. L'un d'entre eux provient des archives des Nations Unies. Sur ces deux pages dactylographiées, tamponnées du sceau de l'ONU, on découvre que Kurt Waldheim était considéré comme un criminel de guerre en 1945 et qu'il aurait dû être poursuivi pour complicité de crimes contre l'humanité. Sur France Inter, l'un de ses représentants du Congrès juif mondial explique. Le nom de M. Kurt Waldheim est porté sur ce document, document qui porte la classification A, à savoir cette classification a été la classification des dossiers pour lesquels il fallait traduire immédiatement les personnes en justice. La question qui se pose, c'est de savoir comment un homme comme M. Kurt Waldheim a pu être porté au secrétariat général des Nations Unies. Conséquence de l'affaire Waldheim, voilà plus d'une semaine que le temps semble s'être arrêté en Autriche et pour ses 7,5 millions d'habitants. Ici, dans ce petit pays d'Europe centrale, situé le long du rideau de fer, où l'opéra classique et les valses avaient fini par effacer le souvenir des marches militaires, on ne parlait plus de la guerre. On avait préféré l'oublier, tout ce qui s'est passé avec. La mémoire est parfois encombrante. Les Autrichiens n'aiment pas. On leur rappelle qu'en 1938, au moment de l'Anschluss, ils ne furent pas que de simples victimes du nazisme. Non, comme l'ont prouvé plusieurs historiens spécialistes de la Seconde Guerre mondiale, comme l'universitaire britannique Ian Kershaw, une grande partie de la population autrichienne a été, disons, très consentante à l'annexion par le Troisième Reich. À cette période, une partie des Autrichiens cultive ouvertement son antisémitisme, sa xénophobie, et entretient une fascination pour les théories du national-socialisme, et plus particulièrement pour les discours de son chef, Adolf Hitler. Alors, Waldheim fait-il partie de ces Autrichiens qui ont cédé aux sirènes du nazisme et en ont épousé la cause ? Non, répond un comité d'historiens de l'université de Vienne. Non, répond également l'actuel président autrichien, pour qui rien ne permet d'accuser Kurt Waldheim plus qu'un autre pour de prétendus crimes qu'il aurait pu prétendument commettre pendant une période où, et je le cite encore, toute la lumière n'a pas été faite sur les événements dans leur globalité. Parmi ceux qui prennent le parti de Waldheim, on trouve aussi Hans Hutschil, un Autrichien qui fut recruté par les services secrets français pendant la guerre. Pour lui, comme pour beaucoup d'autres en Autriche, Waldheim était juste, on connaît la musique, un simple patriote qui a agi dans l'intérêt de la défense de son pays. J'ai commencé à faire des recherches sur les Autrichiens par instruction du ministère de la guerre française à cause de mon passé dans les maquis français. Et comme je vous disais, ça se concernait surtout leur adhérence au Parti National Socialiste. Je pourrais par exemple, M. Waldheim, constater qu'il n'était jamais un National Socialiste, qu'il était un Autrichien, un patriote autrichien, et qui, dans toute son attitude et aussi dans d'autres circonstances, je ne pourrais pas constater un signe minime même pour qu'il, je pourrais douter qu'il sera national-socialiste. En cet après-midi du samedi 3 mai 1986, à la veille du scrutin, les rues de Vienne offrent aux journalistes étrangers un étonnant visage. Dans certains quartiers de la capitale autrichienne, des manifestations et des rassemblements ont lieu pour demander le retrait de la candidature de Kurt Waldheim, celui qu'on affuble désormais du titre d'opportuniste malsain dans les circonstances les plus tragiques de l'histoire. Sur certaines affiches du candidat, certains ont tagué des croix gammées à l'encre noire. Nicht Waldheim, non à Waldheim, clame un peu plus loin une centaine de personnes, contenues par un important dispositif policier. Parmi cette foule, largement composée d'étudiants et d'universitaires, certains brandissent des copies de la dernière édition du magazine Profil. En première page, la reprographie d'un document nazi sur lequel apparaît tout en bas un W manuscrit, W ancienne signature de Kurt Waldheim, authentifiée par des experts d'un cabinet américain. Au micro de France Inter, l'un des journalistes viennois, à l'origine de l'enquête sur le passé de Kurt Waldheim, explique qu'il a tissé par ses mensonges le piège dans lequel il est tombé. En Yougoslavie, moi je pense que les autorités yougoslaves savaient bien que M. Waldheim était un officier sur les Balkans. Et ça, c'est frappant. Pourquoi M. Waldheim n'a jamais dit qu'il était officier sur les Balkans? Dans toutes les biographies et dans les entretiens, il a dit « j'étais victime de guerre et j'étais blessé en 1941 ». Et après, j'ai continué avec mes études. Alors, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il a camouflé son passé? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit toute la vérité? De l'autre côté de la ville, sur les pelouses des Rathaus Park, se joue une toute autre scène. Là, en effet, plusieurs milliers de personnes, toutes membres du comité de soutien à Kurt Waldheim, protestent contre l'ingérence des États-Unis et de certaines de ses organisations juives dans les élections présidentielles autrichiennes. Et ici et là, on peut voir des affiches de couleur jaune avec la photo du candidat Waldheim. Des affiches sur lesquelles on peut lire « Nous, les Autrichiens, nous votons pour qui nous voulons. Nous, les Autrichiens, sommes un peuple fier d'embrasser notre destin. » Des affiches loin d'être anodines. Car le choix de la couleur, d'abord jaune, fait directement référence à l'étoile que devaient porter les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, la typographie et le message sont les mêmes que ceux de la fin des années 30. Oui, lorsque les responsables nationalistes autrichiens appelaient la population à soutenir le Troisième Reich et à embrasser leur destin. Parmi ceux qui ont collé ces affiches, il y a Ludwig Steiner, haut responsable du Parti populiste autrichien, une formation d'extrême droite, soutien inconditionnel de Kurt Waldheim. Steiner, qui croit toujours aux fake news le plus dramatique de l'histoire, dénonce un coup monté par le Parti socialiste autrichien, relayé bien sûr par le Congrès juif mondial. Le grand atout de Waldheim était sa réputation internationale. Et naturellement, les gens qui ont voulu faire la campagne contre lui, que lui ne sera pas élu, ont eu comme but de détruire cette réputation. Alors, on a toutes sorti les choses impossibles même pour détruire sa réputation. C'est tout à fait simple. Qui? Enfin, qui? Je ne peux pas nommer les gens précisément, mais les scientifiques sont naturellement que les socialistes ont commencé avec cette campagne. Ce n'est pas de question. Et le Congrès juif mondial? Pardon? Mais celui-là est venu après. Parce que les pseudo-documents on a fourni et on a envoyé d'Autriche en Amérique. En fait, ce n'est pas ça que l'initiative est partie de ce congrès-là. Il faut dire encore une autre chose. On dit toujours les congrès mondiaux, mais enfin, c'est une partie des champs dans les congrès mondiaux des Juifs. Lorsque Kurt Waldheim décide de se présenter à l'élection présidentielle autrichienne, la démarche apparaît, c'est vrai, comme une évidence. Après tout, qui mieux que lui, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, diplomate et figure internationale respectée, pour prendre la tête de son pays? Surtout en ces années où la guerre froide fait de l'Autriche une pièce maîtresse de l'échiquier des relations internationales. La nouvelle de sa candidature est d'ailleurs accueillie avec joie par une large partie de ses compatriotes et elle suscite un élan de sympathie dans toutes les grandes capitales du monde. Jusqu'à ce qu'on découvre le poteau rose. Présent au Rathaus Park, en cet après-midi du samedi 3 mai 1986, le correspondant de France Inter, Robert Denis, décrit une ambiance nauséabonde où l'on croise d'anciens militaires arborant fièrement leurs décorations reçues lors de la Seconde Guerre mondiale, de jeunes membres de groupes néo-nazis, des ouvriers tenant des propos xénophobes. Au milieu de tout cela, témoigne le journaliste, des gens comme vous et moi, des gens tous qu'il y a de plus normal et qui soutiennent leur candidat. Robert Denis raconte ensuite l'arrivée triomphale de Waldheim qui débarque sans prévenir sur l'estrade du Rathaus Park, suivi d'une meute de photographes de presse et de caméramans. Derrière lui, on aperçoit l'épaisse chevelure blonde de sa femme, Sissi, qui n'a pourtant qu'une chance de devenir impératrice. Mais bon, épouse de président, ce n'est pas mal non plus. Pendant de longs instants, prenant la stature d'un chef, Waldheim toise la foule comme pour mieux la dominer. Sur les images de cette séquence, on distingue son visage aquilin, cette haute stature, son corps longiligne, son sourire séducteur qui s'entremêle à d'autres moments à un regard ferme, décidé. Utilisant ses larges mains pour faire des gestes amples, comme s'il tentait d'enlacer ceux qui sont dans la foule, Waldheim offre le visage que tous veulent voir. celui d'un homme politique bienveillant, charmeur, rassembleur, rassurant, charismatique, et qui est prêt à endosser les responsabilités pour lesquelles il se bat, bien loin de l'ancien costume de soldat nazi que certains tentent de lui faire endosser. Mais alors, que s'est-il passé au juste avec lui pendant la guerre ? Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Arrêtons-nous un instant sur le parcours de Waldheim pour tenter de comprendre qui est vraiment cet homme et pourquoi il se retrouve ainsi accusé de crimes de guerre. Ouvrir son dossier, c'est évidemment se replonger dans la Seconde Guerre mondiale, à une époque où dans une large partie de l'Europe, les mouvements fascistes et l'idéologie de la race ont le vent en poupe. Issu vraisemblablement d'une famille bourgeoise et patriote, c'est en tout cas ce que Waldheim prétend dans ses mémoires, unique source sur son passé, il est né en 1918, au moment où l'Empire austro-hongrois vient de s'effondrer après la Première Guerre mondiale. Admis dans un collège et lycée privé, il aurait suivi ensuite une éducation certainement bourgeoise pour un parcours qui devait le mener à intégrer, affirme-t-il, les affaires étrangères autrichiennes. Il se décrit lui-même comme un jeune homme soucieux de devenir un diplomate ami de tous les peuples. La suite de son parcours biographique, en revanche, c'est tout autre chose, et c'est bien le problème, car elle comporte de sérieuses zones d'ombre, comme le rapporte la journaliste du Monde, Sophie Kerhardi. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, le jeune étudiant Waldheim, alors à l'Académie consulaire, est mobilisé dans la cavalerie. De cette époque, il est le seul à connaître les détails. Il est la seule source de sa propre histoire et il racontera simplement qu'il a été blessé en 1941 sur le front russe et démobilisé. Rien de plus. Mais loin d'avoir été démobilisé en 1942, le lieutenant Waldheim aurait continué de porter l'uniforme de la Wehrmacht jusqu'en 1945. En Yougoslavie, son unité a commis des atrocités. En Grèce, il a assisté à la déportation des Juifs de Corfou et à celle massive des Juifs de Salonique. Sur ces faits qu'il a toujours omis de mentionner, Kurt Waldheim aura toujours la même réponse glaçante. Savoir n'est pas un crime. Lorsqu'en 1945, à la fin de la guerre, les Autrichiens tentent de se reconstruire, ils font le choix d'invoquer le mythe de premier pays victime d'Hitler. Certes, on dénombre plus de 85 000 déportés autrichiens opposant politique et juifs entre 1938 et 1945. Mais ce genre de discours sert surtout à faire oublier les milliers de collaborateurs zélés du Reich à Vienne, dénonciateurs anonymes, espions, concierges, membres du Parti national-socialiste autrichien, et ce, à travers tout le pays. De son côté, on sait juste que Kurt Waldheim est promu diplomate à la fin de la guerre. Puis, en 1955, il devient le premier ambassadeur de l'Autriche à l'ONU. Et enfin, en 1972, il est élu à une large majorité secrétaire général des Nations Unies, avec le soutien précieux de la France, qui voit en cet homme politique francophone et francophile un soutien de poids pour l'aider à conserver son influence politique sur les grands dossiers du monde. Ainsi, pendant plus d'une décennie, Kurt Waldheim incarne à l'ONU le visage de la diplomatie internationale. À son bureau du 37e étage de la Tour des Nations Unies à New York, il est celui que chaque pays courtise pour obtenir un soutien. Il est celui que les chaînes de télé du monde entier sollicitent pour une déclaration. Et il est même celui que l'on choisit pour prononcer le message de paix au nom de l'humanité envoyé dans l'espace à bord des sondes américaines Voyager. À la fois politique et administrateur onusien, comme le veut la Charte des Nations Unies, Waldheim est aussi le premier secrétaire général de l'organisation à jouer un rôle de premier plan pour régler les conflits à travers le monde. Terrorisme international, processus de paix au Vietnam et au Proche-Orient, conflits ethniques en Afrique et en Asie du Sud-Est, il est de tous les grands rendez-vous diplomatiques, comme le veut son poste. Sa présence à la table des négociations rassure, autant qu'elle assure aux participants, le respect des engagements par les différentes parties. Par sa stature, son charisme et ses grands costumes, Waldheim incarne la stabilité du monde, comme en témoigne l'un de ses collaborateurs. Monsieur Waldheim, que je connais depuis 67, est un homme affable, chaud, malgré peut-être son apparence qui ressemble plutôt à Fred Astaire, c'est-à-dire, au premier abord, il pourrait donner l'impression austère, mais en parlant à la conversation, on dégagera qu'il s'agit d'un homme chaud et très affable. Donc le contact facile. Le contact est extrêmement facile. Il a certainement le talent d'aborder les gens, de les ouvrir. Un vrai diplomate. Un vrai diplomate. Et 8 septembre 1973, aéroport de Tel Aviv. Il est un peu plus de 11h du matin lorsque l'avion blanc et bleu du secrétaire général des Nations Unies se pose en Israël, avant-dernière étape de la tournée officielle de Kurt Waldheim au Proche-Orient. Il est reçu et accueilli comme un chef d'État par le ministre de la Défense israélien, le général Moshe Dayan. S'ensuit une rencontre avec la première ministre de l'État hébreu, Golda Meir, dans la résidence privée de celle-ci. Sur les quelques images filmées par la télé, on voit Waldheim poser ses mains sur les bras de Golda Meir. Tous esquissent de larges sourires. La première ministre israélienne se doute-t-elle que face à elle se tient, droit dans son costume, raide comme une lance, un ancien officier nazi. Leur entretien dure 2 heures et porte sur la paix entre Israël et les États arabes. Ensuite, Waldheim part visiter Jérusalem. Il se rend au mur des lamentations, il est souriant, décontracté. Il salue et remercie ses hôtes. Lors de son discours sur le perron de l'hôtel King David, avant son départ, le secrétaire général des Nations Unies fait même un lapsus, parlant de Jérusalem comme de la capitale d'Israël. Alors que dans les faits, l'ONU ne reconnaît pas la ville comme capitale, mais préfère le statu quo, désignant de facto Tel Aviv. Seule la légendaire inculture de Donald Trump décidera du contraire au nom des États-Unis. « Ensuite, en 1975, on retrouve M. Waldheim à Phnom Penh pour négocier un couloir humanitaire, une mission d'observation avec les Khmers Rouges. On le voit aussi en 79 à Téhéran pour ouvrir un canal de discussion avec le nouveau régime des Ayatollahs. Réélu un an plus tôt pour un second mandat à la tête des instances onusiennes, Kurt Waldheim profite de ses dernières années en poste pour se faire le chantre de la démocratie et des libertés. Il vient au Conseil de l'Europe à Strasbourg donner des leçons de diplomatie aux Européens. Il est invité dans les universités lors de grandes conférences internationales. On évoque même un instant la possibilité qu'il puisse recevoir le prix Nobel de la paix pour sa gestion de plusieurs crises humanitaires en Afrique et son implication pour la paix au Proche-Orient. Lors de la 27e Assemblée des Nations Unies, il annonce sa décision de faire de la journée du 21 mars la journée de l'égalité raciale. Voici son discours. Les Nations Unies ont décidé que le 21 mars serait chaque année célébrée la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Au cours des 30 années de leur existence, les Nations Unies ont joué un rôle moteur dans la lutte contre la discrimination en mettant en valeur le principe d'égalité entre tous et aussi en exerçant une pression continue pour que ce principe soit respecté. En effet, sans l'harmonie et la compréhension entre peuples de races différentes, nous ne pouvons atteindre notre objectif d'un monde véritablement pacifique. Arrive alors le scandale du mois d'avril 1986 en pleine campagne présidentielle autrichienne. Voilà 5 ans que Kurt Waldheim a quitté ses fonctions de premier secrétaire général des Nations Unies, et même secrétaire général tout court. 5 ans déjà que plusieurs accusations relayées par le New York Times font part de son possible rôle aux côtés des nazis pendant la guerre. Divisé entre soutien indéfectible et rejet du candidat Waldheim, l'Autriche attend le verdict des urnes sur lequel plane cette lancinante question. Kurt Waldheim sera-t-il le premier ancien nazi à être élu à la tête d'un pays qui se revendique démocratique? Première conséquence de l'élection de Kurt Waldheim à la présidence de la République autrichienne, tirant les conclusions de la défaite du candidat de son parti, le chancelier socialiste Fred Zinnowatz a démissionné. Mais cette élection de Kurt Waldheim a également des retombées internationales. Le premier ministre israélien Shimon Peres parle de danger. Dimanche 8 juin 1986, Vienne, résultat du second tour de la présidentielle autrichienne. Les Autrichiens viennent d'élire Kurt Waldheim à la présidence de leur pays. Avec plus de 54% des voix, il devient de facto le premier ancien officier nazi à s'installer à la tête d'une démocratie, après avoir été premier secrétaire général des Nations Unies et diplomate de rang international. Mais comment les Autrichiens et les Autrichiennes ont-ils pu faire un tel choix? Dans leur ouvrage consacré au cas Waldheim, les journalistes Luc Rosenweg et Bernard Cohen rappellent qu'il faut bien garder à l'esprit que l'Autriche a failli à son devoir de mémoire au sujet de la collaboration d'une grande partie de son élite dirigeante et de sa population durant la Seconde Guerre mondiale. Autrement dit, pour tous ces gens-là et leurs descendants, Waldheim n'est pas l'ancien criminel qu'on se plie à décrire dans le reste du monde. Non, pour eux, Waldheim est juste un patriote, évidemment. Pour beaucoup d'Autrichiens et d'Autrichiennes, les accusations portées contre lui durant la campagne électorale n'étaient donc que des tentatives de déstabilisation venues de l'étranger. L'affaire du scandale de son prétendu passé nazi lui aurait même servi plus qu'elle ne lui a nui, finalement. Et comme l'explique cette électrice, interrogée par Robert Denis au micro de France Inter. J'ai voté pour Waldheim. J'ai réfléchi et je me suis dit, il faut se défendre. J'ai compris que cette campagne contre Waldheim est partie de l'Autriche. Et si on fait une chose pareille à un homme comme Waldheim, qui quand même a fait beaucoup pour le nom d'Autriche, qui est, malgré tous les reproches, quand même un grand homme, alors pourquoi demain la même chose ne pourrait pas arriver à moi? Qu'on me dénonce, qu'on me traite, je ne sais pas de quoi. Et il faut se méfier devant des gens comme ça. Et il faut protester contre ce genre de choses. À l'annonce des résultats, le département d'État américain à Washington annonce son intention de placer Kurt Waldheim sur la liste des personnes interdites de voyage. Dans la foulée à Londres, le Foreign Office affirme qu'il ferme l'accès à son territoire à toute délégation autrichienne conduite par Kurt Waldheim et interdit de survol l'avion du nouveau président autrichien pour l'ensemble de l'espace aérien des territoires du Commonwealth. À Paris, si on s'aligne bien sûr sur la position de Londres à Washington, nos alliés, les diplomates du Quai d'Orsay tentent de rester discrets sur cette affaire. Et pour cause. La France, et notamment l'ancien ministre Robert Schuman, furent parmi les plus ardents défenseurs et soutiens de la candidature de Waldheim au poste de secrétaire général des Nations Unies. Pour les diplomates français qui ignorent probablement tout ou partie de son passé, le diplomate autrichien était un allié précieux. Il devient désormais un paria. Dans un communiqué transmis à la presse, c'est le secrétaire général de l'Élysée qui explique que si la France n'entend pas s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Autriche, elle ne peut en l'état recevoir M. Kurt Waldheim. Malgré cette tempête médiatique et diplomatique, M. Waldheim reste optimiste. Pour lui, ces petites polémiques, comme il les appelle, vont très vite s'arrêter. Il n'y a aucun gouvernement qui m'avait attaqué. Pas du tout. Ce sont des institutions privées, comme par exemple les congrès juifs. Mais aucun gouvernement m'avait attaqué. On me connaît très bien à l'étranger. J'ai des relations excellentes avec les chefs d'État et les chefs de gouvernement. Alors, je ne vois aucune difficulté sérieuse de rétablir ces relations personnelles et de régler ce problème avec ces quelques institutions privées. Je ne crois pas que ça constituera un problème insurmontable. Et vous pensez que dans quelques semaines, quelques mois, les choses seront redevenues normales ? Oui. Pour tenter de faire taire les controverses autour de son élection et donner le change, Kurt Waldheim demande à son premier ministre de créer un comité international composé de 6 historiens militaires venant chacun d'un pays différent pour faire la lumière sur les accusations à son encontre. Parmi eux, un historien juif israélien. Au mois de février 1988, après 2 ans d'enquête, sur la base de l'examen de toutes les pièces du dossier, leurs conclusions sont sans appel. Il n'existe aucune preuve tangible laissant à penser que Kurt Waldheim a été impliqué dans des crimes pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais pour autant, les historiens sont tout aussi formels sur un autre point. Monsieur Waldheim ne pouvait pas ignorer les exactions commises par des soldats dont il avait pour certains la charge, pour d'autres le commandement, et qui parfois se déroulaient dans la zone même où il se trouvait. Le rapport de la commission conclut ainsi. La commission n'a trouvé aucune indication d'objection, de protestation, ni d'intervention faite par M. Waldheim contre un ordre intimant la réalisation de ce qu'il savait certainement être une injustice, afin d'empêcher, ou du moins d'entraver l'exécution de cette injustice. Au contraire, à plusieurs reprises, il a apporté son aide à la réalisation de ces actions illégitimes, facilitant ainsi leur perpétration. La présidence Waldheim est une tache noire indélébile dans l'histoire de l'Autriche et à jamais effaçable pour tous les Autrichiens, déclare en 88 le dramaturge et romancier Thomas Bernhardt, auteur de la pièce critique célèbre Heldenplatz, qui suscite au même moment un grand débat partout en Autriche. Pendant 6 ans, de 86 à 92, ce pays se retrouve au bord des nations. À l'exception d'un voyage diplomatique en URSS et d'un autre au Vatican, donnant lieu là encore à de nombreuses polémiques, Kurt Waldheim est isolé et son pays avec lui. Dans plusieurs capitales occidentales, les ambassades ou représentations diplomatiques autrichiennes sont la cible fréquente de jets de projectiles ou sont tout simplement caillassées, leurs murs sont aussi fréquemment tagués, parfois avec des croix gammées. Cet ostracisme international fut un choc pour un grand nombre d'Autrichiens. Elle les obligea à une prise de conscience et fut, d'après les historiens, le point de départ d'un réexamen du passé de ce pays durant la Seconde Guerre mondiale. Au début des années 2000, l'ouverture de plusieurs fonds d'archives a permis d'établir que la CIA, mais aussi des responsables yougoslaves et soviétiques, étaient au courant du passé de Kurt Waldheim, au moment de la campagne menée en sa faveur pour le poste de secrétaire général de l'ONU en 1972. Kurt Waldheim est mort en 2007 dans la plus grande discrétion, chez lui. Toujours interdit voyage dans de nombreux pays, comme les États-Unis, il était un paria aux yeux du monde entier. Il emporte avec lui ses secrets et son histoire qui se confondent. Nights too dark to sleep, days too light to walk on your own, taking leave when never alone, follow me home, what follows me home. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Kurt Waldheim, dont nous allons parler avec notre invité en duplex dans les studios de France Bleu Lorraine Nord à Metz. Marc Lachny, bonjour. Bonjour. Professeur en études germaniques à l'université de Lorraine, site de Metz donc, et membre du comité de rédaction de la revue Austriaca, qui mieux que vous connaît l'Autriche. Alors, puisque vous connaissez bien ce pays et les Autrichiens, 35 ans après les faits, parle-t-on encore de cette affaire Waldheim à Vienne et ailleurs dans le pays? Alors, l'affaire Waldheim a eu des répercussions politiques considérables à l'intérieur de l'Autriche. Elle a été le déclencheur de controverses internes virulentes, que vous avez rappelées, mais aussi de critiques internationales acerbes et de mécanismes de défense douteux de la part de l'État autrichien. Vu de l'étranger, cette affaire a eu des conséquences désastreuses sur l'image de l'Autriche, désormais frappée d'ostracisme et isolée sur le plan international. L'Autriche du président Waldheim apparaissait dès lors comme un pays frappé d'amnésie et comme une forteresse peuplée de nazis et ou de néo-nazis incurables. Mmh. Waldheim, persona non grata, fut placé en outre sur la watchlist des États-Unis, vous l'avez très bien rappelé. Alors aujourd'hui, il est communément admis que cette affaire a surtout ouvert une brèche au sein de la société autrichienne et a marqué un véritable tournant dans le rapport de l'Autriche à son passé nazi. Voilà, maintenant elle ose aborder sa propre mémoire. Alors, si vous voulez, il y a eu un déplacement. C'est-à-dire que le mythe de l'Autriche comme première victime du national-socialisme, ce qui correspondait au premier paragraphe de la déclaration de Moscou de 1943, a cédé la place à la thèse de la co-responsabilité autrichienne. Donc on a, si vous voulez, un double statut de victime et partiellement de coupable qui va marquer la conscience autrichienne jusqu'à nos jours. Mais donc excusez-moi. Je vous en prie, puisque vous dites jusqu'à nos jours, justement, j'en reviens quand même à ma question aujourd'hui aujourd'hui où on en parle, est-ce que pour les Autrichiens cette affaire Waldheim, bon, ben, ça y est, c'est réglé quoi, ou est-ce que ça a laissé encore une trace, mais vraiment aujourd'hui, hein? Alors, ça a laissé des traces. Alors, surtout aujourd'hui, donc, cette affaire a été considérée comme le point de départ d'une prise de conscience, d'un vaste débat public en Autriche. D'accord. Et de recherches exhaustives qui ont été menées précisément par cette historiographie critique sur précisément le rôle des Autrichiens sous le nazisme. Alors, cette affaire a déclenché tout un travail de retour sur le passé, mais il faut comprendre que ce travail de retour sur le passé s'est produit bien plus tard en Autriche qu'en Allemagne. C'est-à-dire des années, voire des décennies plus tard, donc des décennies de refoulement, jusqu'à ce que ce travail de confrontation aux heures sombres de son histoire au XXe siècle puisse avoir lieu. Donc il y a eu un décalage très longtemps entre la parole politique qui a tardé à admettre cette co-responsabilité de l'Autriche à l'époque du national-socialisme et la contestation qui s'est faite au niveau artistique et littéraire. Donc, on va peut-être reparler un peu de Thomas Bernhard, par exemple. Et précisément, donc cette littérature s'est emparée du sujet. Alors évidemment, on pouvait lire déjà bien plus tôt une phrase dans l'opérette La Chauve-souris de Johann Strauss, qui semblait faire office de précurseur à l'époque et qui nous disait « Heureux celui qui oublie ce qu'on ne peut plus changer ». C'est joli. C'est vrai en plus. Et justement, ça s'applique très bien au cas Waldheim, hein, précisément. Et Thomas Bernhard, la pièce de Thomas Bernhard avait secoué quand même les Autrichiens. Bien sûr. Alors, je peux vous rappeler un petit peu le contexte. Oui, on est fin 1988, deux ans après l'élection de Waldheim. C'est l'année de la commémoration des 50 ans de l'Anschluss. Et Thomas Bernhard crée sa pièce Place des héros, en allemand Heldenplatz, au Burgtheater de Vienne, qui est vraiment l'équivalent autrichien de la Comédie française. Alors, cette pièce allait devenir l'un des plus grands scandales de l'histoire de la Deuxième République en Autriche. Alors pourquoi? C'est parce que la pièce de Bernhard, qui était une commande du célèbre metteur en scène Klaus Peymann, visait les obsessions nationalistes et l'antisémitisme toujours vivaces, selon Bernhard, en Autriche. Et le titre même de la pièce fit l'effet d'une bombe auprès de l'opinion publique autrichienne, car il faisait résonner l'accueil triomphal qu'avait réservé la foule, réunie justement sur cette fameuse place des héros, à Adolf Hitler, qui était venu annoncer l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne en mars 1938. Alors depuis, donc Thomas Bernhard n'est pas isolé, bien sûr. Il y en a eu d'autres avant lui, d'autres après, c'est-à-dire des gens comme Hans Lebert, Thomas Bernhard, on en a parlé, mais plus connu peut-être en France encore, Peter Handke, Elfriede Jelinek et des auteurs de Carinthie, proposent une confrontation critique radicale avec le présent et le passé autrichien et brossent dans leur texte un portrait véritablement au vitriol de l'Autriche et en particulier de la province, hein, qui est associée à la violence, à la mort, au déni du passé, par opposition à une autre littérature régionaliste qui est une littérature d'approbation et qui est évidemment sourde à ce passé nazi. Mais vous voyez donc qu'il y a un phénomène finalement de résistance. On a une littérature critique qui commence très tôt, dès les années 50, à écrire contre la mémoire officielle du pays. Donc c'est vraiment une littérature contre cette image de l'Autriche comme première victime du national-socialisme. Et les victimes du nazisme vont justement accéder à la mémoire culturelle par cette littérature éminemment critique. Et par le théâtre, je dis ça parce que une édition spéciale des Cahiers de Lerne a été consacrée au romancier et dramaturge Thomas Bernhard. Elle est parue, cette édition, au mois de janvier dernier. Vous l'avez vu entre les mains ? Absolument. D'ailleurs, j'en ai fait un compte-rendu. Vraiment, je la recommande parce que c'est extrêmement bien fait. Ça réunit tous les spécialistes en France et à l'étranger de Thomas Bernhardt. Et donc, ça a été coordonné par deux collègues autrichiens, mais qui enseignent en France, Ute Weinmann et Dieter Hornig. Et donc, vraiment, je recommande ce cahier qui est très, très complet et très bien fait. Et pour que ce soit complet, moi, je renvoie aussi les auditeurs à la réécoute en podcast d'une affaire sensible que nous avions consacrée Thomas Bernhardt et à Heldenplatz, justement. Marc Lachny, on se retrouve dans 3 minutes. Ne quittez pas, surtout. À tout de suite. D'accord. Quelles étaient les motivations de toutes les Autrichiennes et de tous les Autrichiens qui ont soutenu Waldheim, notamment lors de l'élection présidentielle? Est-ce que c'était, écoutez, on fait ce qu'on veut, on est un pays indépendant, hein, à la face du monde, arrêtez de nous juger? Ou est-ce qu'on avait déjà une extrême droite assez forte à l'époque et qui, naturellement, aurait eu tendance à soutenir Waldheim? Au vu d'ailleurs de ce qui était révélé, après tout, si cet homme était proche des nazis, voire nazi, peut-être qu'il y a une frange de l'extrême droite, la plus extrême, qui adhère à ça, en Autriche. Alors, comme l'a très bien montré votre documentaire, première chose à dire, c'est que le personnage de Waldheim est éminemment ambigu, ambivalent, troublant. Oh oui. C'est un orateur séduisant, charismatique, c'était votre terme, polyglotte, rompu à tous les rouages de la diplomatie internationale, doté d'une réelle prestance et d'un carnet d'adresses aussi extrêmement impressionnant. Donc il incarne une certaine idée de la réussite autrichienne sur le plan international. D'accord, d'où le soutien. Alors ça, c'est le premier aspect. Et en même temps, il est aussi le symbole de l'opportunisme, du refoulement, du déni, du double discours de l'Autriche vis-à-vis de son passé nazi. Mmh. Son argument de défense majeur, c'était « je n'ai fait que mon devoir de soldat ». Alors cet argument, évidemment, entre en contradiction directe avec ses fonctions au sein de la Wehrmacht dans les Balkans. Je rappelle ici sous les ordres du général Löhr, hein, qui était surnommé le boucher des Balkans. Car il ne pouvait pas ne pas savoir ce qui se passait. Ouais. D'ailleurs, il le dit à demi-mot lui-même. Hein, je vous rappelle sa justification glaçante. « Savoir n'est pas un crime ». Son affirmation, ainsi que ses trous de mémoire, qui ont été comblés peu à peu par les historiens, font de cet homme politique la figure même de l'opportuniste autrichien suiviste du nazisme. Donc on a affaire à des mensonges, des volte-face constantes de Waldheim, et Waldheim est ainsi devenu le symbole du déni et du mensonge d'État autrichien. Alors, pour répondre directement aussi à votre question, pourquoi est-ce que la population autrichienne l'a défendu dans une certaine mesure et continue à le faire jusqu'à nos jours? Alors, premier élément peut-être, on ne peut pas nier ses éminentes qualités de diplomate, de stratège, d'homme d'État, incontestablement. Par son patriotisme douteux, par ses contradictions, son opportunisme, Waldheim incarne aussi la face sombre d'un passé dans lequel un certain nombre d'Autrichiens se reconnaissent encore, donc une figure dans une certaine mesure identitaire, patriotique, pour une partie d'entre eux. Ça peut paraître surprenant, mais c'est sans doute le cas. Alors, on va réécouter 7 secondes, pas plus, 7 secondes de la première archive que j'ai diffusée dans le récit où on entend Kurt Waldheim. 7 secondes et surtout les premiers mots. Réécoutons les premiers mots. C'est l'opinion du Congrès juif à New York, mais pas mon opinion et pas l'opinion de beaucoup de gens. Waldheim donne dans la théorie du complot juif international, peut-être que cette considération vaut signature, n'était-ce pas le postulat d'Hitler pour toutes ces exactions, que Waldheim reprend à son compte le complot juif international. Qu'en pensez-vous? C'est difficile à dire. Je dirais que, comme toujours, Waldheim, on a pu prendre tout à l'heure l'image de l'opportuniste, on pourrait prendre aussi l'image de l'adaptateur, de l'anguille. C'est-à-dire qu'en fait, entre 45 et 1981, Waldheim s'est vraiment appliqué à embrasser une carrière diplomatique, politique, empreinte de respectabilité à l'échelle internationale. Donc ça l'a conduit, je le rappelle, à représenter l'Autriche à l'ONU, à devenir secrétaire général de l'ONU en 1972, à prôner la paix, à enseigner la diplomatie à Georgetown. Mais alors, ce qui est quand même très curieux dans cette affaire, c'est que lui-même s'est tiré, si on veut, une balle dans le pied, en publiant en 85 son autobiographie, intitulée en français « Dans l'œil de la tempête », dans le contexte, et donc ça, ce sera bien sûr réutilisé dans le contexte de sa candidature aux élections présidentielles de 86 en Autriche, puisque là, précisément, ses adversaires politiques, ses détracteurs se sont engouffrés dans la brèche pour fouiller son passé d'officier dans la Wehrmacht, et à partir de ce moment-là, donc, toutes les attaques vont surgir de tous les côtés, donc, du côté autrichien avec Profil, le New York Times, une partie du Congrès juif mondial, et donc là, la machine médiatique était lancée, et ne s'est plus calmé jusqu'à la fin de son mandat en 92. L'extrême droite, aujourd'hui en Autriche, on peut en parler. Enfin, je rappelle que l'un de ses représentants, Jörg Haider, a exercé le pouvoir. Donc il y a toujours ce rapport des Autrichiens à l'extrême droite qui est encore assez étroit. Aujourd'hui, qu'en est-il? Alors, avant de tenter de répondre à votre question, outre les ambiguïtés de l'Autriche face à son passé nazi, on peut se demander précisément s'il n'existe pas une certaine continuité de l'antisémitisme en Autriche. Au risque de me répéter peut-être, mais pour tous les partis autrichiens, il existait un consensus sur l'image de l'Autriche comme victime de Hitler. À notre époque encore, les problèmes de restitution des œuvres d'art juives ne sont pas totalement réglés, malgré des progrès notables. Il fallut attendre au moins jusqu'en 47 pour que les juifs puissent commencer à se voir reconnaître un statut particulier de victime en Autriche. Alors, maintenant sur la montée en puissance de l'extrême droite en Autriche. Oui, et en 45 donc, secondes, si je puis me permettre, de vous demander ça, je sais que c'est difficile, donc, mais ça, en 45 secondes, alors, allez-y. C'est avec Jörg Haider, donc ça remonte aux années 1980, ça coïncide avec un effritement des principaux partis. Donc là, on a effectivement un gouvernement de coalition, donc ÖVP, FPE, qui voit le jour. Et donc là, on a précisément, avec cette arrivée au pouvoir du FPE, un parti jugé xénophobe qui accède précisément au pouvoir. Donc là, il y aura plusieurs images, plusieurs représentants sur lesquels je ne peux pas revenir. Mais peut-être juste pour conclure, un mot sur l'actuel chancelier. Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, dans ses liens avec l'extrême droite. Oui. Alors Kurz est redevenu chancelier en 2020 en s'alliant avec les Verts et il défend précisément une ligne très droitière. Il avait fait campagne déjà en 2017 sur l'immigration, l'islam, la sécurité. Donc là, un certain nombre de vues communes. Alors, est-ce qu'il faut parler de retour du refoulé? Je rappelle que Kurt Waldheim avait été élu président de la République d'Autriche en 86, oui, sous les couleurs de l'ÖVP, qui sont les couleurs de Kurz aujourd'hui. Je suis vraiment désolé de vous couper les ailes comme ça. Je sais, c'est pas agréable, mais c'est comme ça. Je suis désolé. Merci, merci infiniment. Au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA que vous pouvez réécouter en podcast. Podcast, bien sûr, à la technique aujourd'hui, il y avait Pierre Faucillon. Puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Récits documentaires, Bettina Lior et Sophie Bobert, Adrien Mora, Vincent Lebrun, Adrien Carra, oui. Attaché de production, Rebecca Denante, coordination, Christophe Barrère, réalisation, Marion Lollet, Coyenne Guyenne et Benjamin Riquet.